Zone Mag vous est présenté par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans. Bonjour tout le monde, ici Steve Lévesque pour Zone Mag en compagnie de Karine Hudon. Ça va bien, Karine? Oui, toi? Oui, merci, merci. On y va tout de suite avec les sorties musicales? Oui, on va commencer avec le chanteur original de Burnaby en Colombie-Britannique. Michael Bublé sort l'album To Be Love cette semaine. Il revient encore une fois avec un CD spectaculaire. On peut y retrouver quelques reprises de chansons déjà popularisées, ainsi que des pièces originales et d'autres chansons qui ont été performées avec quelques artistes, soit Bryan Adams, la comédienne Reese Witherspoon, les Pupini Sisters et Naturally Seven. J'ai été immédiatement séduite par la musique à tendance crooner ainsi que le son des cuivres qui résonne dans les mélodies. On y retrouve de tout des pièces autant avec un peu plus de rythme et d'autres qui vont être un peu plus lentes ou langoureuses. Un excellent CD à découvrir. Le premier single est It's a Beautiful Day. Voici quelques extraits. When you said goodbye, my whole world shined. Hey, hey, hey, it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink in there, I'm buying. And I know there's no denying. It's a beautiful day. Stand in line till you think you'll have the time to spend an evening with me. Now if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Hey there, cute, put on your dancing boots and come dance with me. Come dance with me, what an evening for some terpsichore. Pretty face, I know a swinging place. Come on, dance with me. Romance with me on a crowded floor. And while the night lost in the silent city lights, thinking of you, wondering will I lose my mind. After all, I'm excited that you're in my life again. After all, I'm delighted to be back where we began. I believe that you can. Someone to care, someone to share those lonely hours and moments of despair. To be loved, to be loved, to be loved. Oh, what a feeling. On continue ensuite avec will.i.am, un des membres fondateurs et chanteurs du groupe Black Eyed Peas, sort son quatrième album solo qui se nomme Willpower. L'artiste mélange le hip-hop, le dance et l'électro, ce qui fait un bon petit mix intéressant à découvrir. L'album inclut plusieurs collaborations avec Britney Spears, Justin Bieber, Chris Brown, Miley Cyrus, Eva Simons, Juicy J et plusieurs autres. Pour ma part, j'ai bien apprécié l'album car on a l'impression d'écouter une compilation, un CD de musique variée tellement qu'il y a plein d'artistes différents sur l'album. Pour les gens qui aiment justement les Black Eyed Peas, David Guetta et le même style de musique, ils ne seront pas déçus d'écouter l'album, ils devraient apprécier. En voici quelques extraits. bring the action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I am. I stay. What? Paid. You didn't know? Now you do. Motherfucker like me, stay cool. Igloo. Igloo. Igloo. Cool. Big Willie, stay chilly. My money so funny and silly. Look at you. Look at me. Look at these. Nigga, please. What's this in my pocket? This not. It's a lie. Big dollar. Big dollar. Paper. Guap. What's that? Oh, this? Fresh shit. Fresh shit. Fresh shit. Fresh shit. Fresh shit. Fresh shit. Fresh shit. Fresh shit. Minute, hour, bigger, better, stronger. Côté métal, on avait aussi Rob Zombie qui nous sortait Venomous Rat Regeneration Vendor, qui est son sixième album solo et un quinzième en carrière. On sait qu'avant de partir en solo, il était avec White Zombie. Pour cet album-là, on peut s'attendre à ce qu'on connaît de Rob Zombie. C'est sans être copié-collé avec les autres albums. Quand j'ai commencé à écouter cet album-là, c'est du Rob Zombie qu'on écoutait. On le reconnaît. C'est les mêmes riffs de guitare, c'est les mêmes drums, c'est les mêmes styles de... Des fois, tu sais, il parle dans ses chansons, tu sais, c'est comme un peu plus raconté que chanté. Et c'est la même chose qu'il y avait dans ses albums précédents. Malheureusement, ça dure juste 38 minutes. J'aurais aimé ça, oui, c'est assez court, mais j'aurais aimé ça d'en avoir plus. Tu sais, t'écoutes l'album, il me semble bon, que c'est... C'est bon, mais il manque quelque chose. Oui, mais en tout cas, pour les amateurs de Rob Zombie et de métal, là, ils seront pas dépaysés non plus avec celui-là, donc vous verrez aussi avec les extraits qu'on va vous faire écouter tout de suite. Rock and roll. We're all dancing in a black hole. Il y avait aussi Young Galaxies, qui est un groupe canadien qui était formé en 2005, qui eux font du dans l'indie pop, dream pop. C'est un album qui est très très mollo, très je dirais pas musique du monde. Ça dépend des chansons. Il y en a que c'est électropop aussi. C'est... Ils vont toucher à plusieurs. Ouais, c'est ça. C'est un peu varié, mais ça reste un peu dans le style de, du groupe montréalais Arcade Fire. C'est un peu dans cette optique-là que, okay. Que je les voyais. C'est vraiment, tu sais, mélodique. Ouais, c'est ça, un peu psychédélique, je pourrais dire, si c'était dans certains cas. Là. C'est un album... C'est pas tout à fait mon genre de musique. Sûrement qu'il y en a qui vont apprécier. Moi, je pourrais pas dire que j'ai pas aimé, mais c'est pas mon genre. Non, c'est ça. Mais je peux pas dire qu'ils font pas de la bonne musique, c'est ça. J'ai pas accroché. Donc, on vous présente quelques extraits, puis vous ferez votre propre opinion. Du rap français IAM ont plus de 20 ans de carrière et sortent leur sixième album après 6 ans de discrétion. Mettons, on n'en a pas vraiment entendu parler. L'album se nomme Or Martien. Il y a déjà 2 extraits qui sont en circulation, soit Spartiate Spirit et Les raisons de la colère. Les fans de musique qui aiment Cynic, Booba, Kerry James ou Psychiatre de la Rime vont apprécier le groupe IAM qui est pas mal dans les mêmes styles musicaux. Le groupe donne lieu à un album très inspiré, intimiste, avec des textes très profonds. En voici... quelques chansons. Le soleil tombe avec les degrés. Depuis ce matin je marche. Mais là mes pieds sont lasses. Il faudrait que je pense à me poser. Que je me trouve un porche ou un coin tranquille. Bien abrité, à l'écart des regards. La tolérance est souvent mal imitée. Parfois j'aimerais être invisible, tout comme ces fantômes. Et ne pas voir ces yeux qui me regardent pas comme on regarde un homme. Bonjour madame, n'ayez pas peur, non je ne suis pas dangereux. Je vous tiens la porte, c'est tout, c'est pas à votre sac que j'en veux. C'est qu'un bonjour, ça vous coûtera pas un euro. Allez, fouillez votre... On se dit au revoir, un mois file, un an ensuite on s'appelle plus. Il faut croire que c'est ainsi doucement, on se perd de vue. Parfois, assis chez moi, je revois les visages défiler dans mes rêveries de ceux qui ont quitté ce rivage. Par la force des choses ou maladies graves, par souhait, par désir, d'autres horizons que ceux qu'on avait. Pour échapper au glaive ou esquiver la balance en allant loin des emmerdes qui tombent en avalanche. Fatigué de devoir encaisser des tas de salades. Nous sommes des hommes libres, debout, et nos faits d'armes resteront dans les mémoires. Sur nous, même le temps s'effrite. Spartian Spirit. Tu vois style sur la grille de départ, c'est nous. Fiers, passionnés, prêts à tout, sauf plier les genoux. Six mecs anodins, vaillants paladins. Si tu es furtif à l'esprit vif comme Aladdin, unir nos compétences. Si tu pouvais voir ce feu qui brûle dans mon thorax, ma vie je la dois au rap, je la dois à l'orage. J'ai pas eu le parcours des petits cons dans la hype, non. Adolescent, j'étais pas le king de la night, non. J'avais mon coup, c'était le criminel. On y va ensuite avec William Delaurier, qui a participé à l'émission Star Academy en 2009. Il sort son deuxième album qui s'appelle Aux quatre coins de ma tête. Cet album est le résultat d'une belle recherche. Ce que je veux dire par là, c'est le jeune homme est parti en quête de lui-même, dans le fond. Les petits côtés cachés qu'il connaissait peut-être moins, ou en tout cas qui faisaient partie de sa personnalité. Ça, c'est maintenant. Un album qui va lui ressembler plus. Ouais, que... exact. Puis il a composé l'album en même temps qu'il a fait sa tournée, dans le fond, qu'il a visité le Québec. Fait que, tu sais, il s'est imprégné beaucoup de ses histoires au courant de ça. C'est un mélange de plein d'émotions qu'il disait dans une entrevue. Il disait que c'était des mélanges de rire, des pleurs, de la passion, de l'amour et justement un questionnement lui-même. Le premier extrait de l'album se nomme « Lundi matin ». Il tourne déjà à la radio depuis déjà un petit bout. Il revient encore avec un album avec des airs joyeux qui nous donnent le goût de sourire. Et aussi une version très acoustique de l'album. Tu vas entendre beaucoup de guitare. Okay. Même dans certaines pièces du ukulélé. C'est un album à découvrir que j'ai bien aimé. Voici quelques extraits. Même plus de questions, à savoir le comment, le pourquoi de l'équation. Et toujours la compétition, à qui le plus gros char, la piscine, la maison. Sans cesse, sans comparaison, privé d'évoluer comme le fera une saison. Et toujours un autre lundi matin, mon crayon à la main, et j'écris encore. Seul dans mon appart, les idées filent autant que je m'éparpille. Et tiens, tiens, v'là le voisin qui me dit que je joue de la guitare trop fort. Je lui lance un de ses regards en lui disant va donc jouer dehors. Le lendemain matin, des rayons pleins d'amour qui rentrent dans ma tête. C'est le nirvana comme quelqu'un me l'a si bien décrit. Et prêt à décoller, je laisse tout derrière moi. Et sans carte à la main, je ferai exprès de perdre mon chemin. On vient et l'on repart comme la neige au printemps. On décide pas de l'heure ni de l'endroit. La mort chasse et puis elle pille dans nos meilleurs souvenirs. Je vais vous raconter l'histoire. C'était devant chez moi, jour de juillet, elle m'attendait. J'ai l'impression que tu tournes en rond, que tu fais chier à maison. L'idéal y est pas trop loin, mais ça va te prendre un peu de soin. Il faudrait que tu te prennes en main. Attends pas. Du côté des autres sorties musicales, dans le côté rock, il y avait Clerk qui sortait Black Tie Elevator. Il y avait aussi Alanis Morissette qui sortait Live at Montreux. Et puis Phoenix qui sortait leur album Bankrupt. Et dans le côté hip-hop, on avait Snoop Lion qui sortait Reincarnated. Du côté DVD Blu-ray, on a l'excellent film Gangster Squad qui sortait. C'est un film de Warner Bros. Qui met en vedette Josh Brolin, Sean Penn, Ryan Gosling, Emma Stone, Nick Nolte. Donc, beaucoup de gros noms pour ce film. J'avais pas vraiment vu de publicité sur celui-là. Je sais pas s'il a sorti au cinéma ou en tout cas... Moi, je n'avais entendu parler un brin dans des émissions de télé. Là. Okay. Tu disais que c'était quelque chose à surveiller. Là. Ben, je vais faire un résumé vite fait. Là. En fait, ça se passe dans le Los Angeles des années 50, en 1949 pour être précis. Puis le sergent O'Mara, qui est un ancien militaire, lui, c'est un policier là, vraiment droit, puis c'est un vrai militaire, quelqu'un costaud, quelqu'un qui est habitué de se battre, puis il a pas peur. Non, c'est ça, tu sais, c'est pas un policier technique, c'est un policier à la dure, puis en fait, il se fait offrir de monter une escouade contre la pègre de Los Angeles qui sévit durant ces années-là. Puis l'escouade, elle, devra être secrète, parce que justement, il n'y aura pas d'arrestation, il n'y aura pas rien, il va avoir... Faut pas qu'il se fasse découvrir. Faut pas qu'il se fasse découvrir. Puis, c'est ça, le film se passe quand il mène la guerre justement au dirigeant qui est Mickey Cohen, qui maîtrise vraiment la ville de Los Angeles au complet. Puis là, ils ont décidé que c'était assez, là, ça suffit. Là. En gros, ce que je vous dirais, c'est que c'est un The Expendables, mais dans les années 50. Il y a assez d'action, hein? C'est ça, il y a beaucoup d'action, puis c'est exactement le même, ça reprend le même principe. Ils montent une équipe avec différents styles, tu as des muscles, t'as une tête, t'as quelqu'un qui tire, tu sais, qui a la gâchette. Ça va relire, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, donc, c'est un tout, différents modèles, différentes personnes qui vont faire une bonne équipe. Puis, ils vont faire la guerre, justement, à la pègre. J'ai bien aimé le film. Je le recommande à tout le monde. Si vous aimez le genre policier, si vous avez aimé The Expendables, vous devriez. Je ne verrais pas pourquoi vous n'aimeriez pas celui-là non plus. Là. C'est vraiment là, à écouter. Là. L'action du début jusqu'à la fin. Ouais. Dans les autres sorties de DVD, côté drame, il y avait deux films qui sortaient cette semaine, soit Liaison Royale et le film L'Impossible avec Naomi Watts et Evan McGregor. Côté suspense, il y a le film Emprise sur la ville avec les acteurs Russell Crowe et Mark Wahlberg. Côté télésérie, il y a l'émission Unité 9 saison 1 qui sortait cette semaine, qui est passée à la télé, mettons, qui a commencé cet automne à Radio-Canada. Très bonne série pour ceux qui ont vraiment. Pas... Moi, j'ai eu la chance de la suivre, là. Ça vaut à peine. Avec les actrices Guylaine Tremblay, Suzanne Clément, Micheline Langteau, il y en a plusieurs d'autres, mais c'est les plus ceux-là qu'on voit les plus souvent, mettons. Du côté jeu, on a la suite, l'extension de Dead Island, qui est Riptide, qui sort pour Xbox et PS3. Puis on a Star Trek aussi, même chose pour Xbox et PS3. Donc c'est tout pour cette semaine, puis on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye, bonne soirée! Bye! Zone Mag vous est présentée par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans.